Joël chapitre 2. Sonnez du cor en Sion, et sonnez avec un retentissement bruyant en la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent, car la journée de l'Éternel vient, car elle est proche. Journée de ténèbres et d'obscurité, journée de nuées et de brouillard. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, ainsi s'étend un peuple grand et puissant, auquel il n'y a point eu de semblable de tout temps, et après lequel il n'y en aura point de semblable dans la suite des siècles. Le feu dévore devant sa face, et derrière lui la flamme brûle, le pays était avant sa venue comme le jardin d'Éden, et après qu'il sera parti, il sera comme un désert de désolation, et même il n'y aura rien qui lui échappe. C'est, à le voir, comme si on voyait des chevaux, et ils courront comme des gens de cheval. Et ils sauteront, menant un bruit semblable à celui des chariots sur les sommets des montagnes, et au bruit d'une flamme de feu, qui dévore du chaume, et ils seront comme un peuple puissant rangé en bataille. Les peuples trembleront en le voyant, tous les visages en deviendront pâles et livides. Ils courront comme des gens vaillants, et monteront sur la muraille comme des gens de guerre, ils marcheront chacun en son rang, et ne se détourneront point de leur chemin. L'un ne pressera point l'autre, mais chacun marchera dans son chemin, ils se jetteront au travers des épées, et ne seront point blessés. Ils iront çà et là par la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme le larron. La terre tremblera devant lui, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leur lueur. Aussi l'Éternel fera entendre sa voix devant son armée, parce que son camp sera très grand, car l'exécuteur de sa parole sera puissant. Certainement la journée de l'Éternel est grande et terrible, et qui la pourra soutenir? Maintenant donc aussi, dit l'Éternel, retournez-vous jusqu'à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et lamentation. Et déchirez vos cœurs, et non pas vos vêtements, et retournez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et pitoyable, tardif à colère, et abondant en miséricorde, et qui se repent d'avoir affligé. Qui sait si l'Éternel, votre Dieu, ne viendra point à se repentir, et s'il ne laissera point après soi bénédiction, gâteau et aspersion? Sonnez du cor en Sion, sanctifiez le jeûne, publiez l'assemblée solennelle. Assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, amassez les anciens, assemblez les enfants, et ceux qui sucent les mamelles, que le nouveau marié sorte de son cabinet, et la nouvelle mariée de sa chambre nuptiale. Que les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel, pleurent entre le porche et l'autel, et qu'ils disent, Éternel, pardonne à ton peuple, et n'expose point ton héritage à l'opprobre, tellement que les nations en fassent le sujet de leur raillerie. Pourquoi dirait-on entre les peuples, où est leur Dieu? Or l'Éternel a été jaloux de sa terre, et il a été ému de compassion envers son peuple. Et l'Éternel a répondu, et a dit à son peuple, voici, je vous enverrai du froment, du bon vin et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'opprobre entre les nations. J'éloignerai de vous l'armée venue du septentrion, et je la pousserai en un pays sec et désolé, la partie antérieure, vers la mer orientale, et celle de derrière, vers la mer occidentale, sa puanteur montera, et son infection s'élèvera, après avoir fait de grandes choses. Ne crains point, terre, égaie-toi et te réjouis, car l'Éternel a fait de grandes choses. Ne craignez point, bête des champs, car les pâturages du désert ont poussé leurs jets, et même les arbres ont poussé leurs fruits, le figuier et la vigne ont poussé avec vigueur. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous, et vous réjouissez en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie selon la justice, et même il a fait couler sur vous la pluie de la première saison, et celle de la dernière, au premier mois. Et les airs seront remplis de froment, et les cuves gorgeront de moût et d'huile. Ainsi je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle, le hurebec, le vermisseau et le hanneton, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, avait brouté. Vous aurez donc abondamment de quoi manger et être rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui vous aura fait des choses merveilleuses, et mon peuple ne sera point confus à toujours. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera point confus à toujours. Et il arrivera après ces choses, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que le jour grand et terrible de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, sera sauvé, car le salut sera en la montagne de Sion, et dans Jérusalem, comme l'Éternel a dit, et dans les résidus que l'Éternel aura appelés.